Voici, en une heure, une première série d'extraits des Nuits attiques d'Aulus Gellius, passé à la postérité sous le nom d'Oligel, écrivain romain du 1er siècle de notre ère. Traduit par un groupe d'universitaires dans leur édition bilingue publiée en 1863. On se souviendra que l'Attique est la région de Grèce dont Athènes est la ville principale. Choix des textes et enregistrements de Jean-Paul Alexis, mars 2017.